le cyber ici, Daisy. Des soigneusement choisis des uns par son petit corps de 16 ans. Déjà, t'as des bottes de lézard, des armes qui sembleraient bizarres, des yeux. Thank you.